cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man ittaba'a hudaha amma ba'd. Famada akhadna fi darsina al-akhir? نعم اسم الحي واسم القيوم. فما معنى اسم الحي؟ تفضل. الحي الذي كامل حياة، الذي له الحياة الكاملة. القيوم الذي كامل قيومية. نعم. الذي قام به بنفسه. من يزيد في القيوم؟ تفضل. القيوم الذي ترجع إلى هذا الاسم كل جميع صفات الأفعال. نعم. ومعنى القيوم؟ القائم بنفسه وعلى غيره. القائم بنفسه والقائم على غيره. ما معنى القائم؟ أن الخلق كلها تحتاج إلى الله. نعم، أن الخلق محتاجون إلى الله، فهو القائم عليهم، أي بالأرزاق وبالتدبير وبالإحياء وبالإماتة وبالاهتداء وبالإضلال إلى آخره. أي الله سبحانه وتعالى celui qui gère، qui gère tout، celui qui donne، celui qui guide إلى آخره. وهو قائم بنفسه، أي لا besoin de personne، c'est le غني سبحانه. كما ذكر الأخ، القيوم هذا الاسم يرجع إليه جميع، أو ترجع إليه نعم جميع الصفات الفعلية والحي الصفات الذاتية، يتضمن جميع الصفات الذاتية الحي، والقيوم يتضمن جميع الصفات الفعلية. ثم أخذنا ماذا؟ أخذنا نعم الحي. نعم والستير. نعم والستير. الحي صفة ماذا؟ يتضمن صفة ماذا؟ تفضل. صفة الحياة. نعم. وماذا استفدنا من حيث الفوائد المسلكية والآثار هذين الاسمين؟ يعني كما جاء في حديث من ستر الله مسلما في الدنيا ستر الله في الدنيا والآخرة، وإذا إنسان وقع في ذنب ولا أظهر الله زجر على غيره فهو لا يظهر على غيره، أي ينبغي ستره. أي سي واحد فان ذنب سو الذنب سنتخل بي بينه وبين الله، أي سفو كمال وزوتر سيبا لي وزوتر لا ميزان غارد في هذا الحال أو لفت دو لافيشي لبروباجي يا أكون فائدة. ففي هذا الحال يستر اي بيان سور افيك البيان والنصيحة ولو كونسي، أما بروباجي في هذا الحال سا سيغا ريان بل سي غراف. إن الله حي يستحي من عبده إذا أو ليس هذا، إن الله نعم ستير، إن الله حليم حي وستير. من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا الحديث الذي كنا نريد. قال رحمه الله الخافض الرافع، هذان الاسمان تقدم معنا كما قال في الحاشية، سبق الكلام على هذين الاسمين مع اسمه تعالى الباسط الخافض الرافع، أي celui qui élève et qui rabaisse سبحانه. وماذا قلنا من حيث الإثبات؟ هل نثبت هذين الاسمين؟ كيستيكي نو رابل هذين الاسمين لأن ليس لنا دليل عليه. نعم نعم. فالله سبحانه وتعالى يخفض ويرفع، لكن هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار والوصف نعم، أما من حيث أنه سدين فهذا يحتاج إلى دليل، أنا بد دليل على هذا كما تقدم معنا. قال الخالق، هذا كذلك تقدم مع اسمه عز وجل الباري، أن الله سبحانه وتعالى له صفة الخلق، يخلق ما يشاء Subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. فمن أسمائه الخالق ومن صفاته صفة الخلق أنه سبحانه وتعالى سبيل الكخاطر وهذا تقدم معنا قال الخبير إلى ستافك اسم الخبير العليم قال في الحاشية ودليل هذا الاسم قال الله تعالى إن الله عليم خبير أدلة كثيرة في هذا الاسم اسم الخبير كذلك اسم العليم on a beaucoup de preuves sur ces deux noms et ces deux noms ils sont souvent cités ensemble قال المؤلف رحمه الله الخبير العليم هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن أحاط علمه أي la science d'Allah سبحانه وتعالى l'englobe tout أي الله سبحانه وتعالى il sait tout عليم بكل شيء. Allah سبحانه وتعالى il oublie pas, il se trompe pas, il ignore pas. فعليم خبير بالظواهر والبواطن. الظواهر c'est le pluriel de ظاهر والبواطن c'est le pluriel de باطن. والظاهر c'est la chose qui est apparente. والباطن c'est la chose qui n'est pas apparente, la chose cachée. فالله سبحانه وتعالى يعلم الظواهر والبواطن. عالم الغيب والشهادة الغيب سما يغيب عن الأعين الله يعلمه on dit il traduit le غيب par l'invisible والشهادة c'est ce qui est apparent فالله سبحانه وتعالى يعلم كل هذه الأمور العليم ça englobe الظواهر والبواطن العليم أي يعلم الظاهر والباطن الظواهر والبواطن les choses apparentes est caché. Al-Khabir, c'est plus spécifique pour les choses cachées. Wa illa fa, ces deux noms, le sens, il est très très proche. Ay, Allah Azza wa Jal, il sait tout. Al-Hada, Cheikh Sa'di rahimahullah, il les a cités ensemble, huna. Qala, wal-Israr wal-I'lan. Al-Israr wal-I'lan. Vous connaissez le mot sir, as-sir, quelque chose de caché. Quelque chose qui n'est pas dit à voix haute. فالله سبحانه وتعالى يعلم السر والإسرار كذلك يعلم الإعلان. الإعلان c'est faire apparaître une chose. مثلا واحد يpense une chose dans son cœur, il le dit pas Allah يعلمه. Et واحد qui prononce une chose فالله يعلمه من باب أولى. قال والواجبات والمستحيلات هذا سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي الله سبحانه وتعالى sait tout ce qui se passe dans les cieux et sur terre عز وجل قال وبالماضي والحاضر والمستقبل فvous avez remarqué que هذه الإحاطة c'est une إحاطة زمنية ومكانية إحاطة زمنية ومكانية أي الله سبحانه وتعالى sa science englobe tout que ça soit dans le temps ou dans les endroits dans les lieux فقوله العلوي والسفلي هذه c'est الإحاطة المكانية أي n'importe quel endroit sur terre, dans les cieux, dans la mer apparent, caché فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك il connaît tout et كذلك في الزمان dans le temps que ce soit dans le passé الله سبحانه وتعالى il sait tout ce qui s'est passé que ce soit en ce moment ce qu'il passe dans les cieux, sur terre ou dans la mer الله سبحانه وتعالى يعلمه Ce que les gens ils disent à voix haute ou à voix basse, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu. Kadhalik al-mustaqbal, ce qui va arriver. Al-ghayb, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu. Allah subhanahu wa ta'ala connaît le ghayb. Tout ce qui va arriver, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. C'est lui qui a créé ces choses et c'est lui, bien sûr, qui a qadr hadhihi al-umur. Et vous avez remarqué kadhalik que tu peux faire le lien huna avec le qadr, le destin. Famin maratib al-qadr al-ilm. أي أن الله سبحانه وتعالى سلبي كتوت كريت توت كريت يسيتو فلا شك أن القدر سانغلوب tout ce qui s'est passé le présent et ce qui viendra à l'avenir قال فلا يخفى عليه شيء من الأشياء donc هذه الإحاطة سانغلوب tout إحاطة بعلمه عز وجل que ça soit dans n'importe quel endroit ou n'importe quel moment الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك هذا كلام الشيخ سعدي رحمه الله إلى مختصر إلى في تفسيره. ثم قال وهو العليم المحيط. لذلك هنا تفعل لي avec اسم المحيط سيأتي إن شاء الله تعالى معنى المحيط أي بعلمه. فسا revient في الحقيقة معنى العليم الخبير بكل شيء بالواجبات والممتنعات والممكنات. فيعلم تعالى نفسه الكريمة ونعوته المقدسة وأوصافه العظيمة وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها. نعم وغذية مسألة واجب الوجود. فالله سبحانه وتعالى يعلم الواجبات أي للشوز لا بد من وجودها مثلا لزاتخبود الله سبحانه وتعالى وهذا تقدم. ويعلم الممتنعات الواجبات انتهينا. Ne pas comprendre هنا الواجبات أي الشرعية dans notre دين للصلاة للصيام. لا المقصود هنا c'est autre chose. ويعلم الممتنعات حال امتناعها. الممتنعات ça vient du mot المنع. فالممتنعات حال امتناعها أي الله سبحانه وتعالى يعلم الموجود. Et même une chose qui n'existait pas, si elle devrait exister, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam dhalik. Qala, wa ya'lam ma yatarattab ala wujudiha law wujidat. Si cette chose elle aurait existé, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam dhalik. Wa ya'lam tout ce que ça aurait impliqué, cette existence. Un être humain ou autre. Qala, kama qala ta'ala, law kana fihima alihatun illa Allah lafasadata. هذا من الممتنعات. لماذا؟ لأن الإله واحد الله سبحانه وتعالى أي الإله الذي يستحق العبادة. أما الآلهة الباطلة كثيرة لكن هنا نقول الآلهة المستحقة للعبادة فلا شك أن إله واحد الله سبحانه. لو كان فيهما آلهة سيغي بلزيغ إله بلزيغ ديفينيتي قال عز وجل إلا الله لفسدت أي سوغي أمبليكي فساد في السماوات وفي الأرض. لكن هذا سممتنع. لماذا؟ لأن الله عز وجل إلي أونيك إيه celui qui mérite l'adoration c'est الله seul عز وجل. هذا سامتال pour vous montrer أن si cette chose aurait existé فالله سبحانه وتعالى يعلم ce qui serait passé. قال وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. C'est ce que ça aurait impliqué s'il y aurait plusieurs créateurs, plusieurs alihas. فكل خالق il serait مثلا approprié telle chose et telle chose. وهذا قوله لفسدت. لكن حكمة الله سبحانه وتعالى y a qu'un créateur. C'est lui qui a tout créé, c'est lui qui gère tout. أما il y aurait deux, فلا شك la chaque que ça aurait provoqué des choses. Lakin tout ça c'est min bab at-taqdir. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran et Cheikh Saadi on a expliqué que hada c'est min al-mumtani'at, ça peut pas exister, ça existera jamais. Le créateur il est unique et celui qui mérite l'adoration il est unique كذلك. Lakin pour vous montrer que Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam dhalik, si ça serait arrivé et ça n'arrivera jamais, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam dhalik. Hada c'est min al-mubalagha pour montrer que Allah il sait tout. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. نعم ولعلى سمعند العلو سمعند العلو أي كل إله لعلى على غيره. قال فهذا وشبهه من ذكر علمه بالممتنعات التي يعلمها وإخباره بما ينشأ منها لو وجدت على وجه الفرد. هذا الشيخ سعدي il a cité ce passage pour te montrer si ça devait arriver ou si ça arriverait. لكن ça n'arrivera jamais. قال والتقدير. التقدير c'est si on suppose telle chose. قال ويعلم تعالى الممكنات أي quelque chose de ممكن. Il y a une différence avec الممتنع. Donc tu as le واجبات أي des choses c'est obligé qu'elles existent. الله سبحانه وتعالى صفات سأفعال فسالقاهر سالقيوم سبحانه. هذا انتهينا. دوزيام شوز هي الممتنعات دي شوز ان نو بوف با اكزيستي. Maintenant, un deuxième créateur, c'est impossible. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, les conséquences, il les a citées. Et il est unique et il n'y aura jamais d'autres créateurs. Troisième chose, al-mumkinat, ça vient de mumkin. C'est possible que cette chose, elle existe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Maintenant, un être humain qui n'existe pas aujourd'hui. Un être humain qui n'existe pas aujourd'hui. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, il crée cet être humain. Et s'il veut, il ne le crée pas. Enfin, si on qadr, qala. ويعلم تعالى الممكنات وهي التي يجوز وجودها وعدمها ما وجد منها نعم مثلا un être humain qui n'existe pas aujourd'hui. Enfin, c'est possible qu'Allah il le crée, c'est possible que Allah il le crée pas et il crée un autre. هذا قوله الممكنات. قال وما لم يوجد مما لم تقتضي الحكمة إيجاده. Les choses qu'Allah il a pas créé, les hikmah. Alors qu'il a la capacité. Et cette chose, c'est possible qu'elle soit créée, lakin Allah, il décide de ne pas les créer. Fait tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu. Al-wajibat, wal-mumtani'at, wal-mumkinat. Qala fa huwa al-alim alladhi ahata ilmuhu bil-alam bi-fathillam. Al-ulwi wa al-sufli. Al-ulwi, ça vient de l'ulu. Wa al-sufli, c'est, on dit quelque chose de safil, quelque chose de bas. C'est l'opposé de l'ulu. L'ulu, c'est au-dessus. Et as-sufli, c'est en bas. La yakhlu an ilmihi makan wa la zaman wa ya'lamu al-ghayb wa al-shahada wa al-zawahir wa al-bawatin wa al-jali wa al-khafi. Hadihi, c'est une ihata tamme, kamila. Allah subhanahu wa ta'ala, sa science, elle englobe tout. Que ce soit ce qui se passe dans les cieux ou dans la terre. Kadhalik, chaque endroit. هذا قوله مكان ولا زمان كذلك toutes les périodes, que ce soit le passé, le présent ou le futur. كذلك les choses apparentes, les choses cachées. الظاهر والباطن. قال والجلي والخفي. الجلي, c'est quelque chose d'immense, d'énorme. الخفي, c'est quelque chose de très petit. Allah subhanahu wa ta'ala يعلم هذا. قال الله تعالى إن الله عليم خبير. والنصوص في ذكر إحاطة علم الله والتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدا لا يمكن حصرها وإحصاؤها وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر نعم كما جاء في القرآن وإنه لا يغفل ولا ينسى هذا من تمام علمه أما المخلوق كذلك اللي موصوف بالعلم لكن علم ناقص علم ناقص لا certains hommes, certaines femmes, ils ont du علم لكن c'est un علم ناقص لماذا لأن c'est un وصف c'est un attribut d'une créature et la créature elle est faible لهذا tu prends le plus savant sur terre là chacun il oublie il se trompe لماذا لأنه c'est un بشر. Al-Anbiya, ils sont ma'soumoun min al-nisyan, ou plutôt min al-khata fi al-wahi. Allah subhanahu wa ta'ala assamahum. Lakin, ça reste des êtres humains. Valihada, ils oublient. C'est pour ça que Adam, alayhi salam, il a mangé du fruit. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il s'est trompé fi salat. Amma Allahu azza wa jal, fala yaghfal wa la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas. Il sait tout, azza wa jal. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Vous avez remarqué هنا encore une fois le lien entre هذا الوصف العظيم وصف العلم والخبرة et القدر. فالله سبحانه وتعالى il sait tout et il a tout écrit dans un kitab. On a deux degrés parmi les quatre degrés du qadr. العلم والكتابة. Les deux autres, qu'est-ce qu'ils nous les rappellent? العلم والكتابة. بقي deux. تفضل. المشيئة والخلق. Avec ces quatre مراتب, tu as مراتب القدر. فالله سبحانه وتعالى, c'est lui qui a tout décrété, سبحانه. لكمال علمه وقدرته ومشيئته وخلقه جل وعلا. قال وإن علوم الخلائق على سعتها سعتها بفتح السين السعة c'est quelque chose de vaste فعلوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت نعم Si tu rassembles la science de tous les êtres humains, toutes les connaissances, هذا il a des connaissances dans le din, هذا il a des connaissances dans tel domaine, fi dunya, wa hada, tous les êtres humains, avec le djinn, avec les anges, avec toutes les makhlouqat, voilà chaque anna leur ilm par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rien. لماذا لأن الله عز وجل يعلم كل شيء قال وتلاشت كما أن قدرتهم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إليها بوجه من الوجوه ليس incomparable ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكن الشيخ سعدي رحمة الله عليه يتسيت مثل هذه الأمثلة pour essayer de t'approcher المعنى وإلا فكما قال عز وجل ولا يحيطون بعلمه ولا أحد يحيط بعلم الله c'est impossible لماذا لأن on peut pas s'imaginer ce genre de معاني على التمام لماذا لأن on a des faiblesses d'être humain on a un manque de capacité في هذا قال فهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون وأقدرهم على ما لم يكونوا عليه قادرين et كذلك le علم que les êtres humains ils ont ou n'importe quelle créature et كذلك la قدرة la volonté qu'ils ont c'est من الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله donc الأمر لله من قبل ومن بعد وكما أن علمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي وما فيه من المخلوقات ذواتها وأوصافها وأفعالها وجميع أمورها فهو يعلم ما كان وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية لها on revient à الإحاطة الزمنية أي par rapport au temps Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce qui s'est passé. C'est l'awwal subhanahu kama taqaddam ma'ana. Et vous vous rappelez, vi isma l'awwal, wal akhir, wa al-zahir wal batin, on avait cité les deux ihata, zamaniya wa makaniya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier, c'est le dernier, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc il sait tout. Azza wa Jal, c'est le vivant qui sait tout. Et كذلك Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ses créatures et c'est le batin, ya'lam kulla shay. On revient aux deux ihata qu'on a cités dans le dars, c'était au début du livre. عند هذه الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن. قال وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. Ça revient à ماذا هذا؟ وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. Ça revient à quoi هذا؟ أحسنت الممكنات. وما لم يكن une chose qui n'existe pas. Allah سبحانه وتعالى يعلم ذلك. لو كان si cette chose elle devrait ou elle devait exister, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Et il sait ce que ça aurait impliqué, il a akhira. قال ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم. المكلفين, الإنس والجن. Depuis Adam, تأمل, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, Allah a'lam combien d'êtres humains. À notre époque, là, on est plus de 7 milliards. Ama balouk, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 1000 ans, jusqu'à Adam, c'est des milliards et des milliards d'êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala y'allam ha'oula jami'an. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils pensaient, tout ce qu'ils ont caché, tout ce qu'ils ont montré. Il a arrêté. Wa y'allam kadhalik, tout ce que les êtres humains, ils feront jusqu'à yom al-qiyamah, y'allamou. Et ce qu'ils feront fil jannah, y'allamou. Et ce qu'ils feront fil nar, y'allam kulla shay. Et tu rajoutes à hada, al-jinn. Ils font partie de Al-Mukallafin, Kadhalik. Allah a'lam le nombre de djinns. Ils sont très nombreux, Kadhalik. Si tu rajoutes Al-Malaika, des milliards. Wa hakadha jami' al-makhlouqat. Fa subhanah. Fa mitla hadhi al-ma'ani, ça fait monter l'iman. Ça fait monter de l'iman, de l'insan. Et ça va le pousser à plusieurs choses qu'on va voir fi Al-Thamara. Aïe, Al-Thamarat hadhi al-ma'ani al-azima. Qala wa ba'd ma yumituhum. Na'am. Donc, depuis que Allah il les a créés, ben, avant de les créer, Allah subhanahu wa ta'ala, il savait tout. Et quand ils ont vécu et après leur mort, Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lam hada kulla. Wa ba'dma yuhyihim, qad ahata ilmuhu bi a'malihim kulliha, khayriha wa sharriha, wa jazai tilka al-a'mal, wa tafasili dhalik fi dar al-qarar. Subhanah. Kalamun jamil, mina al-haq al-wadih al-mubin. Thumma qal, rahimahullah. فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله هذه النصيحة جميلة rahmatullah alayh, qu'il a cité al-mawahib al-rabbaniya min al-ayat al-qur'aniya, après avoir cité des ayats fi hadha al-bab, ay fi bab al-asma wa al-sifat, fa nasaha bi hadha an-nusha al-jamil. فينبغي للمؤمن الناصع لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله وصفاته. المؤمن الناصع لنفسه بهذا القيد. أما المؤمن الغافل qui pense qu'à الدنيا, qui pense qu'à, il ne pense pas à الآخرة, il ne voit pas loin. فهذا ربما يفرق pas des efforts في هذا الباب إلا أن يشاء الله, il le guide عز وجل. أما المؤمن الناصح لنفسه فسنمنط كذلك أن النصح سي pour les autres, كذلك سي pour nous-mêmes. أحيانا on fait النصيحة pour les autres ونغفل عن أنفسنا. فالناصح لنفسه, celui qui veut du bien pour les autres, il leur fait النصيحة, et كذلك il ne s'oublie pas lui-même. فينصح نفسه بماذا؟ الناصح لنفسه بماذا؟ قال أن يبذل ما استطاع, selon tes capacités. Ils ont des faiblesses dans telle chose, ils ont des faiblesses dans la langue arabe, ils ont des faiblesses dans la mémorisation, ils n'ont pas beaucoup de temps par rapport à certaines choses. On fait attention de ne pas tomber dans le reflet. Des années fi sunnah et on ignore encore, on ne dit pas tous les noms, il y en a, on a un autre, lakin des noms qui reviennent très très souvent, qu'on répète tous les jours. Mit l'afd al-jalala Allah, مثل العليم الخبير, مثل الحي القيوم, مثل القدير, tous ces noms qui sont beaucoup cités dans le Coran al-Karim. Probablement on récite certains dans notre salat, dans certains azkar. On doit connaître ces sens. Si on a un naqs fi hada, fa c'est un naqs kabir, un naqs kabir jiddan. قال أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله وصفاته. Ça te montre que akhil karim, ça doit être le principal dans ton cheminement fil ilm. Le principal sujet c'est hada, ma'rifatullah. Si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, tu feras des efforts fil ibadah, tu feras des efforts fil al-zaka, fil siyam, fil hijra, fil hajj, fil toutes les ibadah. Si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'écarteras des interdits, tu t'écarteras du shirk, tu t'écarteras de l'alcool, de zina, du mensonge, de l'injustice, ila akhri. Si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, كذلك tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux autres créatures, le bon comportement et tout ce que ça implique. Celui qui haqqaq ce point, tous les autres portes elles seront ouvertes. Celui qui néglige ce point, voilà où il a un bon comportement, ahyanan ça sera pour les gens ou pour ses poches. Voilà où il fait certaines ibadat, Obama, c'est pour qu'on parle de lui. Il ne connaît pas Allah azza wa jal. Par rapport à cette connaissance, l'insan, الله سبحانه وتعالى إلا لذ كما قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فتأملوا الله عز وجل لست الإيمان والعلم. الإيمان سكوا الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. العلم, العلم بهذه الأمور أولا تسرب خيوغيته. قال في معرفة أسماء الله وصفاته وتقديسه, ويجعل هذه المسألة أهم المسائل عنده. هذه المسألة صدوات أهم المسائل عندنا. Ça passe avant tout. لماذا؟ لأن الله عز وجل c'est الخالق, c'est المعبود بحق وحده لا شريك له. C'est à lui qu'on rendra des comptes. C'est lui qui nous a créé. On n'a pas été créé هملا هكذا sans aucun objectif. Celui qui il médite, il réfléchit, il met de la hadith le kalam, va inshallah ta'ala se yestafid. Hadith le masala ahamul masail inda. Toutes les autres masail douna hadith le masala, même si elle est importante. On parle fil ilm, l'ilm al-shar'i. Amma fi dunya, même la chose la plus importante, ta famille, tes enfants, le travail, ton risque, la chaque hadith ça passe avant. Ça ne veut pas dire qu'on néglige le reste. Là, lakin chaque chose a sa place. Lakin baqiya, c'est quoi la place de chaque chose? On le répète souvent, chaque chose a sa place, tout le monde le dit. Hatta le kafir il le dit. Il faut mettre les choses à leur place. Adam ma'rouf, lakin c'est quoi la place de cette chose? Ba'dhum mathalan, ils mettent tout sur le travail. Min as-sabah ila al-layl. Même quand ils ne travaillent pas, ils se préparent pour le travail. Mathalan, ils se reposent. il mange, et la akhira, il se prépare pour le lendemain travailler. Si ils donnent aucune place au din, toute leur vie, ça sera que pour le travail. Iyadam billah. Il va vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, et la chose principale, il l'ignore. Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعاء عظيم كان يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا تأمل قوله أكبر همنا ça veut dire que la dunya on ne doit pas la négliger قال أكبر همنا أي الله ne fait pas que cette dunya ce soit notre principale préoccupation تأمل قوله notre principale أكبر همنا ça montre أن الدنيا on doit se préoccuper bien sûr. Celui qui travaille doit être sérieux, il doit aller à l'heure, il doit, ça va te prendre du temps et la chèque, ça va t'occuper dans certaines choses. Lakin, fais du'a, anna hadi dunya, ça ne soit pas akbar hammik. Limada li anna akbar al-ham, ça doit être hada. On répète l'an pour faire le lien avec le hadith. Qala, rahimahullah, wa yaj'al hadihi al-mas'ala aham al-mas'a'il inda. Et pour que ça soit aham al-mas'a'il, à connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs pour que ça soit notre principal objectif, il faut faire des causes. Il faut lire, il faut apprendre, il faut demander. Ahyanan, il faut voyager, il faut dépenser de l'argent, il faut apprendre l'arabe. Les anna, ces noms, ils ont été révélés en arabe. Vous avez remarqué que cette étude qu'on a fait pour l'instant, on a étudié Madri combien de noms. Et vous avez remarqué qu'on n'a pas fait une traduction, on n'a pas besoin, walillahi alhamd. Le nom, tu sais maintenant que Allah c'est Al-Alim Al-Khabir, tu n'as pas besoin de traduire par le savant ou l'omniscient, même si ça aide pour certains, pour les débutants. Lakin, ahammu min dhalik, fais des efforts en langue arabe et tu vas savoir que hadha al-ilm. Et tu sais c'est quoi l'ilm? C'est la science, walillahi alhamd. Celui qui a étudié un peu l'arabe, il sait c'est quoi l'ilm. Et tu vas apprendre à hadha al-ilm. أنه محيط بكل شيء أي l'englobe tout que ce soit dans le temps ou dans les lieux et avec ces معاني que Cheikh Saadi l'a cité tu n'as plus besoin de traduire بل quand tu vas faire du'a tu vas dire يَا عَلِيم يَا خَبِير أَنْتَ تَعْلَمْ إِلَى آخَرِ تُتْنِي عَلَى اللَّهِ ثُمَّ تُلُي دَمَان هذا ستستفيد منه جدا أما si tu t'habitues qu'en français بعد الإخوان مثلا ils ont l'habitude qu'en français tu lui dis العليم il sait pas quand tu lui dis l'omniscient il sait. Là, quand tu fais de du'a, tu ne demandes pas par ce nom. En général, quand on fait de du'a, on va demander avec les noms d'Allah en arabe. Si tu as l'habitude en français, quand tu fais de du'a en arabe, ton cœur n'est pas présent. Pour que ton cœur soit présent, il faut que tu le dises en français. C'est un ox. L'insan, il est excusé au départ. Un mois, deux mois, six mois, un an. Et quand il commence à vouloir apprendre son din, quand il istaqim ala sunnah, et connaît la valeur de la science au départ, on est excusé. Lakin, 2 ans, 10 ans, 15 ans, où l'insan ne connaît pas encore mitla hadhihi al-ma'ani, c'est la cause. Anna kathiran min al-nas, ils n'avancent pas. Dans l'ilm et dans leur dit. Ils n'arrivent pas, ils bloquent. L'imad al-anna, pour avancer, une voiture pour avancer, il faut du carburant. Là, chaque chose, pour qu'elle avance, il faut une chose. Les entreprises, pour qu'elles tournent, il faut de la main-d'œuvre, il faut de l'argent. Un corps, pour qu'il avance, il faut manger, il faut boire. Ton din, pour avancer, il faut des choses, il faut des asbab. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé chaque chose avec des causes, c'est ça la base. Pour avoir un enfant, il faut se marier. Enfin, pour avancer dans l'ilm, il faut faire des efforts. Là, il m'a voyagé, il m'a dépensé de l'argent, et bien sûr, prendre son temps, des sacrifices, kadhalik. Mais celui qui ouvre la porte, mathalan, et kathirun minan nas, c'est hada al-hal, ils disent, mais j'ai pas le temps. Pourquoi tu viens pas au dors? J'ai pas le temps. Pourquoi tu n'as pas appris par cœur? Mais j'avais ça à faire. Limada li anna fil haqiqa, haoula, ils s'occupent. Ils s'occupent. Prends l'exemple, on l'a déjà cité ensemble, de l'argent. Tu peux travailler, t'as un salaire, walillahi alhamd, qui te suffit. Tu manges. T'as un foyer où dormir. Alhamdulillah, c'est ça la vie. Lakin, pardon, là, ils veulent plus, ils ont des projets. Des projets. Et ils travaillent beaucoup plus. Lakin, la mort, elle connaît pas projet ou autre. Malak al-Maud, quand il vient, il reprend l'âme de celui qui mérite de mourir. On doit provoquer les choses. Amma attendre daiman des excuses. On conseille, c'est pour le bien des autres. Celui qui veut faire des efforts, il les fera. C'est un kalam jamil. ويجعل هذه المسألة أهم المسائل عنده وأولاها بالإيثار. تفضل قول الإيثار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار ça veut dire que tu vas faire des sacrifices. Ça ressemble au mot التضحية. Comme les gens ils font des sacrifices pour leurs enfants. Wallah, il y a des parents tellement qui font des sacrifices pour leurs enfants. Obama, ils dorment pas, ils mangent pas beaucoup. Tout ça pour le bien-être de ses enfants. Et c'est taïb, sans exagérer bien sûr, et chaque chose à sa place. Barda Annas, il faut des sacrifices jiddan pour le travail. Bardaoum pour les études. Ils ne dorment pas presque. Si Bard Talabat al-Ilm, ils auraient le rythme de certains étudiants, ils seraient à la khayr. Toute l'année, ils sont à l'approche des examens, ils jtihad adib. Bardaoum, c'est à peine s'ils trouvent le temps de manger ou de dormir. Les malades, pourquoi tous ces sacrifices? Les gens, ils savent qu'à la fin, il y a quelque chose, il y a un diplôme. Et il espère avec ce diplôme faire telle chose. Mais non, il n'y a ni diplôme, il n'y a rien. Il n'y a rien dans les choses futiles. Mais non, c'est le tariq al-jannah. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Nous, l'objectif c'est dar al-qarar. C'est le paradis où bi'idhni al-azawajal, le croyant aura tout ce qu'il veut. Lakin c'est d'exemple, ba'dhum pour le sport. Pour le sport, des sacrifices adibes, des sportifs de haut niveau, comme à le monde, ils quittent le foyer très jeune. 9 ans, 10 ans, 11 ans, ils voyagent dans tel pays ou dans telle ville, et ils quittent ses parents, sa famille. C'est difficile, c'est un enfant. Pourquoi les parents ils l'aident et lui-même il est motivé? Ça veut devenir un footballeur ou un basketteur ou la madri. Ton enfant, ça serait bien, il est petit, il a akhiré jusqu'à qu'il grandit. Wala ya'lam shay'an. Il a certaines choses, et encore même ces choses, il faut voir est-ce que c'est sahih ou la. Fahadal Izar, celui qui veut réussir vite dunya ou l'akhira, c'est ça le principal objectif pour le mu'min as-salih. Qala, wa ahakkiha, wa ahakkaha bi tahkik liyafouz min al-khayr bi awfar nasib. Awfar nasib, la plus grande récompense. Ama ce footballeur, qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner quelques euros et la gloire quelques années quand il arrête son sport. Khalas, Bardoum ils sont endettés, Bardoum ils sont plus connus, Bardoum ils tombent en dépression. Même s'il est connu, il va vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans, il finira sous terre comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il a gagné? Khassatan si c'est pas un musulman, il a tout perdu. Cet étudiant, qu'est-ce qu'il a gagné? Sinin dans les études, il a akhiré. Allahu a'lam, est-ce qu'il va trouver un travail? Amla. Thumma ce travail, on regarde, est-ce que c'est fil halal ou le haram? Si c'est dans le haram, tous ses sacrifices, et à la fin, il finit dans le haram. Il aura des comptes à rendre sur chaque pièce. Amma al-ilm al-shar'i t'es fi khayr. T'es fi khayr, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvrira les portes de dunya, tu mangeras comme tout le monde. Dans ton qabr, bi'idnillahi azza wa jal, tu seras accompagné par tes œuvres sous une forme d'un être humain jamil, comme taqaddam ma'ana. Thumma yawm al-qiyamah, al-mar'u ma'a man ahab. Si tu aimais l'ilm, tu aimais les savants, tu aimais al-rasoul, les prophètes, tu seras avec eux. Alayhim as-salatu wassalam, yawm al-qiyamah. Thumma fil jannafa. Falhamdulillah. Plus l'insan fait des efforts, comme a dit le hadith. Yuqal liqari al-Qur'an rattil, yawm al-qiyamah. Anzuru al-fawz al-azim. Anna Nabi sallam, il a informé, anna celui qui a appris le Qur'an, lillahi azza wa jal, et bien sûr en faisant des efforts pour comprendre, mettre en application, أهل القرآن سأهل الله فيقال له يوم القيامة غسيت plus il récite plus il monte en degré في الجنة الجنة درجة il y a plusieurs degrés il récite et il monte c'est quoi la cause de cette récompense? Les efforts qu'il a fait في الدنيا. Le Coran tu l'apprends pas en un jour, et l'ilm الشرعي ça demande du temps. أما les sportifs, les ashab al-dunya ila akhirah, qu'est-ce que ça sera leur hal? Si ce n'étaient pas des muslimines, ils sont finnar, et si c'était des muslimines, Allah a'lam bihalihim. Wallahu subhanahu wa ta'ala ghafurun rahim. Lakin, on doit daiman se rappeler, c'est ça le principal objectif. La naghtarbi al-dunya al-za'ifa. Al-za'ila. Ne pas, al-haqiqa al-aqili, mais pas ses forces et des efforts dans une chose qui disparaît. On dit, on travaille pendant madri combien de jours pour une chose, dès qu'on l'a, elle disparaît. Est-ce que quelqu'un va vouloir? Personne ne va vouloir. Et on te dit, le même travail, juste à côté, tu le fais, et cette chose que tu vas gagner, elle va rester. Elle va rester 10, 15 ans, tu pourras en profiter. Tu vas choisir quel travail? Lâche, tu vas choisir celui où la récompense, elle reste. Bah, c'est exactement la même chose. Dunya faniya. Kullu shay'in halikun illa wajha. Tout disparaîtra. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ressuscitera les êtres humains pour les juger. Ça nous montre le principal objectif, c'est hadal ilm, connaître les noms d'Allah et ses attributs. Et la croyance islamique, aqidatu as-salaf, et كذلك, se rappeler de la récompense. Enfin, si tu as hadaf, tu vas avoir un manhaj, une route. Tu as un objectif et tu as une arrivée. L'arrivée, c'est après ta mort, tu espères la récompense. Et ta route, c'est hadaf, c'est apprendre ton din. Sans négliger les autres choses. Lakin, ta voie principale, c'est hadaf. Comme un voyageur, tu vas aller de cette ville à une autre ville. Là, je sais que sur la route, tu peux t'arrêter, tu peux dormir, boire, manger. C'est exactement comme ça. Ad-dunya. On a un départ, notre naissance, on a une ligne à suivre. Ba'dhum, ça sera surat mustaqim, ba'dhum, ça sera de l'égarement, iyadam billah. Si on prend ce chemin, l'ilm ou l'amal, la science et son application, et on a comme arrivé, après la mort, on espère la récompense. Et tu verras que, alhamdoulilah, tu avances, c'est ça ton objectif. Ça n'empêche pas de travailler, ça n'empêche pas de se marier, ça n'empêche pas de prendre du bon temps, ahyanan, lakin avec cet objectif. Amma da'iman le sport, que du travail, que de la plaisanterie, que des voyages. Thumma malak al maut vient, qu'est-ce qui va présenter هذا العبد? Qu'est-ce qui va présenter? هذه الدنيا c'est dar imtihan. Haqiqa, on aura des comptes à rendre. Yawm al-qiyamah, celui qui vient sans rien, qu'est-ce qu'il va présenter? Voilà, chi, qu'est-ce que tu vas donner? Amma, celui qui a œuvré, qui a appris, alhamdulillah, il a appris le Coran, au shi min al-Qur'an, il a appris des hadiths, il a fait des œuvres, hajj, salat, hijra, amr bil ma'ruf, nayam munkar, il a fait siyam, beaucoup d'œuvres, le bon comportement, il a des choses à présenter, mais idnillah, tout ça bien sûr avec sincérité, en suivant le prophète, alayhi salatu salam, c'est un rappel mukhtasar sur la mas'ala la plus importante, هذا العلم, et كذلك est une des choses les plus importantes pour nous, notre vie. Ta vie, c'est ra'su malik. Ta vie, c'est ton capital. La tartarbi. Bardanes, toute leur vie, vous avez remarqué, on dort le khodlan. Toute leur vie, ils sont dans le travail. Quand il vit, il pense déjà à quand il mourra, il pense qu'il a une assurance, là. Ce qu'ils appellent l'assurance vie. Hatta sa vie, il l'assure. Et s'il meurt, ils vont donner de l'argent à ses enfants. Il penserait comme un aqil, comme quelqu'un doué de raison, il penserait à je vis, je vais mourir, qu'est-ce qu'il y a après la mort et je me prépare. Ah, est-ce que tu vas laisser à tes enfants ils vont le manger en quelques semaines. C'est pas ça le but. Lakin, at-tawfiq aziz, et il est biyadillahi, azza wa jal, qala, fayatadabbar mathalan ism al-alim. C'est pour ça que Cheikh Saadi l'a cité à al-kalam huna. Ou plutôt Al-Mu'allif, celui qui a rassemblé les paroles de Cheikh Saadi, il a choisi ce passage. Cheikh Saadi a fait cette mansiha sur les noms et les attributs et l'importance dans la vie du mu'min, dans la vie du croyant. Et comme exemple, il a cité Ism al-Alim. فَنَاسَبَ أَنْ يُذْكَرْ هُنَا تَحْتَ هَذَا الْإِسْمِ Ism al-Alim. قَالَ فَيَعْلَمْ إِنَّ الْعِلْمَ كُلَّهُ بِجَمِيعُ وُجُوهِهِ وَاعْتِبَارَاتِهِ لِلَّهِ تَعَالَى فَيَعْلَمْ تَعَالَى الْأُمُورَ الْمُتَأَخِّرَةَ أَزَلًا وَأَبَدًا وَيَعْلَمْ جَلِيلَ الْأُمُورِ وَحَقِيرِهَا وَصَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا. Tout ça, on n'a plus qu'à lire, Liana, on l'a déjà expliqué, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. وَيَعْلَمْ تَعَالَى ظَوَاهِرَ الْأَشْيَاءَ وَبَوَاطِنَهَا غيبها وشهادتها ما يعلم الخلق منها وما لا يعلمون ويعلم تعالى الواجبات أو المستحيلات أو الجائزات. نعم. Dans l'autre كلام il l'avait nommé الممكنات. C'est pareil, quelque chose de ممكن أو quelque chose de جائز. ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى كما يعلم ما فوق السماوات العلى ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدور أي ما تخفي الصدور. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que les poitrines elles renferment. قَالَ وَخَفَايَ مَا وَقَعَ وَيَقَعَ فِي أَرْجَاءِ الْعَالَمِ وَأَنْحَاءِ الْمَمْلَكَةِ. الْمَمْلَكَةِ أي مُلْكِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. أي les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce qui se passe sur terre et dans les cieux. فَهُوَ الَّذِي أَحَاطَ عِلْمُهُ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ وَلَا يُعْرِضْ تَعَالَى لِعِلْمِهِ خَفَاءٌ وَلَا نِسْيَانٌ. أي Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. il ignore rien, il n'oublie pas, subhana. ويتلو على هذه الآيات المقررة له كقوله في غير موضع والله بكل شيء عليم عليم بذات الصدور. Beaucoup de versets du Coran وصفوا العلم واسم العليم il est cité. Pourquoi? لأن c'est مهم جدا pour le croyant, pour l'être humain. لأن celui qui se rappelle en Allah سبحانه وتعالى, il sait tout. Et s'il sait tout, il le voit, il l'entend. Ça va changer sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le raqib. L'insan, tout ce qu'il fait, c'est noté, enregistré, il aura des comptes. Là, chacun a cet être humain, il n'agira pas comme quelqu'un qui ignore tout cela. قال, يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ مَا تُسِرُّونَ أي السر أي ce qu'on cache وَتُعْلِنُونَ الْإِعْلَانَ أي ce qu'on fait apparaître. Allah يعلم les deux. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ أي الله يعلم celui qui parle à voix haute, Allah il sait. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ Allah il sait السِّرَّ أي quand c'est à voix basse. وَأَخْفَى أي أَخْفَى مِنَ السِّرَّ واحد qui parle tout doucement, Allah subhanahu wa ta'ala يعلم ذلك ويعلم أَخْفَى مِنَ السِّرَّ est-ce que l'insan il a dans son cœur, même s'il ne le prononce pas. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار قوله عز وجل سواء منكم أي سباري عند الله سواء منكم أي سي وفت كما قال عز وجل من أسر القول أي فكشي أو فبارل أفوا باس ومن جهر به أو celui qui parle à voix haute عند الله سباري. Il n'y a aucune différence. L'imam, c'est l'alim, c'est le khabir. قال ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Celui qui se montre en plein jour ou se cache dans la nuit pour faire quelque chose, pour dire quelque chose, pour manigancer quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam dhalik. قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. On a déjà cité le lien entre هذا الاسم et le destin. قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Après avoir cité سبحانه dans ces versets من سورة آل عمران, après avoir cité هذه الأوصاف العظيمة العلم, قال عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Donc ça veut dire qu'Allah il sait tout. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. تقدم معنا اسم المصور. Quand on avait cité اسم الخالق والباري والمصور, c'est Allah سبحانه وتعالى qui vous façonne quand vous êtes encore dans le ventre de vos mères, في الأرحام, dans l'utérus. ثم قال لا إله إلا هو. Hey, si tu sais que Allah t'a créé et qu'il sait tout, ça va impliquer une faïda azima, naka tu dois l'adorer. Falihada qala azza wa jalla la ilaha illa hu. Personne ne mérite d'être adoré sauf lui. Limada? Lianahu c'est le créateur, il sait tout. Qala illa hu al-aziz al-hakim. ثم قال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. في هذه الآيات من سورة لقمان الله سبحانه وتعالى il a cité les deux noms. الله سبحانه وتعالى il sait tout, il connaît l'invisible et كذلك il sait ما قال نعم علم الساعة وينزل الغيث إلى آخره وما في الأرحام. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتح الغيب الله سبحانه وتعالى اللي كنا. ثم قال ويعلم ما في البر والبحر. البحر سلع ميخ, البر سلع تيغ. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا مثال عظيم. ما تسقط من ورقة, الورقة هي فاي. فما تسقط من ورقة, n'importe quelle feuille qui tombe sur terre, les feuilles des arbres. Combien de feuilles, خاصة en période d'hiver, de froid, beaucoup de feuilles elles tombent, فالله سبحانه وتعالى ما من ورقة إلا ويعلم. Il sait quand est-ce qu'elles tombent et où elles tombent. هذا مثال عظيم pour nous faire réfléchir. Si Allah subhanahu wa ta'ala connaît cette chose, il connaît ce qu'on fait. Et s'il connaît ce qu'on fait, on doit faire attention. قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة أي خضرة أي après la descente de la pluie. إن الله لطيف خبير ثم قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا كذلك مثال عظيم. ما يلج في الأرض وما يخرج منها. Tout ce qui rentre dans la terre et ce qui sort, Allah y'alem. Maintenant, quand il pleut, chaque goutte qui pénètre dans la terre, Allah y'alem. Tu peux même plus compter en milliards quand il pleut. Allah y'alem combien de gouttes. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait chaque goutte qui tombe, où elle tombe et où elle rentre. Et où elle s'arrête. كذلك, وما يخرج منها. Tout ce qui sort de la terre. Tout ce qui sort. Prends l'exemple des graines. Quand elles sont plantées, Allah y'allame chaque graine, ثم quand elles poussent, Allah y'allame. قال, ça nous montre que quand on lit ce genre de verset, nous avec notre faiblesse dans l'iman et dans l'ilm, on lit ces versets, on ne réfléchit plus. Tu lis hada et tu ne réfléchis pas. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala il a cité hada, y'allamu ma yalijou fil ard wa ma yakhrujou minha. Ahyanan, arrête-toi et réfléchis. Limada il a cité hada huna, subhanahu. أنه يعلم ما يلج أي ما يدخل في الأرض وما يخرج منها قال وما ينزل من السماء tout ce qui descend des cieux que ce soit les anges que ce soit la pluie ou autre قال عز وجل وما يعرج فيها et tout ce qui monte que ce soit les anges que ce soit الأعمال الصالحة que ce soit les âmes quand elles meurent et elles montent l'âme du mu'min elle monte et l'âme du kafir elle est rejetée Allah يعلم ذلك كله dès que tu lis أخي الكريم essaye de t'arrêter et réfléchir. Si Allah subhanahu wa ta'ala il connaît tout ça, donc il connaît forcément ce que tu fais. Ant. Si il connaît ce que tu veux, ça va te mettre des limites. Ma tastafid. Hakada. Qala, wallahu khabirun bima ta'amaloun. Qara'na hada. La. Qala, le verset précédent, on a oublié. Walau annama fil ard min shajaratina aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Inna allaha azizun hakim. ثم قال والله خبير بما تعملون ثم قال عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله عليم إن الله بكل شيء عليم سوفرس من سورة المجادلة ففيه فوائد عظيمة فتأمل قوله عز وجل لم ترى أن الله يعلم الله الست ثم هذا المثال العظيم ما في السماوات وما في الأرض tout ce qui est dans les cieux et sur terre ثم قال عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعه النجوى c'est une discussion مثلا trois personnes discutent Allah سبحانه وتعالى c'est le quatrième أي بعلمه والله سبحانه وتعالى il est au-dessus des cieux فقوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم si on part dans un endroit où on n'est que trois, il n'y a que nous trois qu'on s'entend et on sait ce qu'on dit. Allah subhanahu wa ta'ala rabi'uhum. Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout et il entend. Enfin, ces trois, s'ils sont à la khayr et connaissent leur dîn et ils ont fait des efforts via hadha al-ilm al-azim, ça va leur être très très utile. Si wahad veut faire quelque chose de pas bien, ittaqillah ya akhi. Allah subhanahu wa ta'ala il nous voit, il nous entend. Qala azza wa jal. ولا خمسة إلا هو سادسهم. Un autre exemple. Cinq, Allah c'est le sixième. ثم قال عز وجل ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. واحد s'il est seul. Ou des milliers, millions, milliards de personnes. Allah سبحانه وتعالى il sait tout. Il حاطة. قال وهو معهم أينما كانوا. المعية, صفة المعية تقدمت معنا. Où qu'on soit, Allah il est avec nous. أي بعلمه. إجماع السلف أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de la créature et il est avec nous avec sa science. لماذا لأنه سي العليم. ثم قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. C'est ça le fruit. Si tu as compris en Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'alim, et si tu médites le Coran, ça doit te pousser à te rappeler, on rendra tous des comptes au Qiyam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus, il a révélé le kitab et on est tous prévenus. Fais attention, Allah il te voit, il t'entend, il sait ce que tu fais, tout est noté, les anges ils notent tout. Fais attention, prépare ce jour. Lâche qu'avec le mu'taqad, ça va te limiter dans beaucoup de choses. Tu vas faire attention. Quand tu parles, quand tu regardes, quand tu agis, tu vas faire attention. Qala, inna Allah bi kulli shay'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé ce verset avec l'ilm. Alam tara anna Allah ya'lam wa khatamahu bil ilm. Et le verset, il est conclu avec l'ilm. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Al-ulama, al-dhakaru in fa'ida azima bi hadha al-bab, anna al-ma'iyya qui cité, c'est ma'iyyatu l'ilm. Ils disent Allah il est partout, il est avec nous où qu'on soit. Fama il cite ce verset. Qawluhu azza wa jal wa huwa illa huwa ma'ahum aynama kanu wa huwa ma'akum aynama kuntum dans l'autre verset. Haoula, c'est des juhal. Illa, ils auraient réfléchi, ils auraient lu correctement. Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé le verset avec la science, il l'a conclu avec la science pour te montrer an al-kalam huna il est par rapport au ilm, à la science. Allah il est avec nous avec sa science. Et avec les autres versets, tu sais qu'Allah il est au-dessus. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. A'amintum man fi as-samaa. Thumma qala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Il a conclu avec ce verset pour montrer la récompense. Fala ta'lam hatta la récompense si tu fais attention et tu mets en application tous les sens que Cheikh Saadi l'a cité huna, toi-même tu connaîtras pas le sens ou plutôt tu connaîtras pas na'am la récompense que tu auras. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ. On ne peut pas savoir la récompense. Allah, il la connaît. لكن, on œuvre, on fait tout. L'essentiel, c'est d'obtenir la récompense. Même si on ne sait pas exactement comment elle est. L'essentiel, c'est d'en profiter يَوْمُ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ. Et alhamdulillah, dans ce cas-là, l'être humain, il saura. قَالَ وَغَيْرِ ذَلِكْ مِنَ النُّصُوصِ الْكَثِيرَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى فَإِنَّ تَدَبُّرَ بَعْضَ ذَلِكِ يَكْفِي الْمُؤْمِنَ الْبَصِيرَ مَعْرِفَتَهُ بِإِحَاطَةِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَمَالِ عَظَمَتِهِ وَجَلِيلِ قَدْرِهِ إِنَّهُ الرَّبُّ الْعَظِيمُ الْمَالِكُ فَإِنَّ تَدَبُّرَ بَعْضَ ذَلِكَ. Même celui qui a un taqsir et il médite pas sur tous les versets, toutes les sourates, et il a des faiblesses dans cela, même s'il fait un minimum d'effort, forcément il ira des versets où le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-alim et l'attribut de la science, ils sont cités là-bas. Et s'il réfléchit, s'il médite, ça lui sera d'un énorme bienfait. Fahada ismun azim, ism al-alim, wa sifatul ilm wasfun jalil. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. العلامة الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه إلى مثال طيب. On peut l'ajouter pour conclure هذا الدرس. الشيخ عبد الرزاق وفقه الله إلى سيتي باج 160. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض. أكبر واعظ. Vous connaissez le mot موعظة. الموعظة c'est un rappel, une exhortation. فأعظم موعظة. أعظم واعظ. La chose qui va être le plus utile. من حيث une chose qui va te rappeler. Tu n'auras pas toujours quelqu'un pour te conseiller, pour te dire fais cette chose, ne fais pas cette chose, attention. أكبر واعظ وأعظم زاجر. Azajir, c'est une chose qui t'empêche de faire une mauvaise chose. Maintenant, Wahid te dit, si tu fais cette chose, je te frappe ou je te dénonce. C'est un zajir, ça va te permettre de ne pas faire. Lakin, tu n'auras pas toujours quelqu'un pour te dire هذا. فأعظم واعظ وأكبر زاجر قال نزل من السماء إلى الأرض. Qui est descendu من السماء إلى الأرض. Et pour les êtres humains. وضرب لذلك مثلا أي c'est العلم. C'est هذه المعاني العظيمة أن الله سبحانه وتعالى il sait tout. أن الله عز وجل il nous entend. أن الله سبحانه il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Il connaît l'apparent, le caché. Ça c'est أعظم واعظ. C'est la chose qui va être le plus utile pour l'être humain pour qu'il adore الله سبحانه وتعالى il s'écarte des interdits. قال وضرب لذلك مثلا ولله المثل الأعلى. Cheikh Shanqita rahmatullah alayhi, il a cité un exemple pour nous faciliter. Wallillahi al-mathalu al-a'la. Et Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay. Et ce genre d'exemple, c'est tayyib. Il y en a beaucoup de gens, ils ont des lacunes ou des manquements. Ou si tu parles qu'avec le Coran, qu'avec le Sunnah, probablement à cause de leur faiblesse dans la langue ou dans la science, ils ont du mal à tout saisir. Mais avec ce genre d'exemple, ça facilite jiddan. Fata'ammal. Qalu law furida anna hadha al-barah min al-ard. Al-barah min al-ard, ay un makan wasi', un makan, un endroit vaste. Fihi malikun qattalun lir-rijal in intuhikat حرماته ذو قوة وعزة ومنعة وحوله جيوشه وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه فتأمل. Si dans un endroit quelconque, un roi avec une armée puissante, avec des armes, il a akhir, et cet homme il est craint, il est respecté, et cet homme il a des femmes, des filles, et ce roi il a des femmes, des filles, il a akhir. قال أيخطر في بال أحد أن أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك الجبار يقوم واحد منهم بغمزة عين إلى حرم ذلك الملك أو ريبة. Est-ce que واحد peut s'imaginer que si dans cette assise avec ce roi, et ce roi il est respecté, il est dur, et il a une armée, il a des armes, il a agré, et des hommes ils sont assis avec lui, et il y a ses femmes, ses filles. Est-ce que quelqu'un il va oser simplement regarder ses femmes ou ses filles? On parle que c'est un roi qui a de la ghira et un musulman, pas des al-kafara. Ou là, même si tu regardes, la yubaloun. Est-ce que, fi hadha al-hal, ayakhtar, ou ayakhtar fi bal ahad, anna ulaik al-hadirin, fi majlis hadha al-malik, yaqoum wahidun minhum bi ghamza. Il faut un regard. Ça y khafoun. Ça y khafoun min al- l'ukouba, ils vont craindre d'être punis. Un regard, quand un mawahad il discute ou il va plus loin, il va à sa perte, il perd sa vie. Qala, la wa kalla, kulluhum khadi'un, khashi'atun, uyunuhum, khashi'atun, jawarihuhum, ghayatu amanihim, as-salama. Sahih, tu vas les trouver tous dans l'assise, très très calme. Très très calme, pas un regard, pas un geste, pas une parole, sauf si ce malik il leur donne l'autorisation. Et leur seul souhait dans ce cas-là, c'est de quitter cette assise, et même s'ils n'ont rien gagné, au moins ils perdent rien. Sahih. On peut donner un autre exemple connu à notre époque, quand l'insan il se retrouve au tribunal, devant le juge. Pourquoi c'est un juge, un kafir, un mujrim? Si il tourne le regard, l'accusé, le juge directement, il le remet en place. Tu regardes devant et tu me regardes quand je te parle. Il n'a pas le droit de parler que s'il lui donne l'autorisation. Est-ce que via Delhal, il va commencer à dire des choses? Regardez, il espère qu'une chose, c'est quitter ce tribunal et ne pas se faire juger. Hada samith al tayyib. Ils vont venir où l'un? Qala rahimahullah. ولا شك أن خالق الكون وله المثل الأعلى أعظم بطشا وأشد نكالا إن انتهكت حرماته. الله سبحانه وتعالى سي الخالق سي الملك المالك. Et في الحقيقة نحن profite, on mange et on vit dans le royaume d'Allah سبحانه وتعالى. Il nous voit, il nous entend. Et Allah سبحانه وتعالى il est capable de tout. عز وجل. فالسلوي كي réfléchit comme ça في الحقيقة son خوف va être أعظم. Mais cet être humain, cet exemple qu'on a donné au tribunal, ou que l'imam Shankit il a donné avec ce roi, ça reste un être humain. Rabbama, il veut te faire quelque chose, il ne pourra faire que si Allah il veut. Mais l'être humain, naturellement, il va avoir cette crainte dans son cœur. Khawf tabi'i. Amma, avec Allah subhanahu wa ta'ala, si on n'a pas hada, et c'est là la question qu'on se pose. C'est que si on se retrouve dans un tribunal, ou en face d'un responsable, d'un roi, on ne fait pas ce qu'on veut. Si on fait ce qu'on veut, ça peut nous causer beaucoup de problèmes. La question qu'on se pose, pourquoi avec Malik al-Muluk, al-Jabbar, al-Qahar, Azza wa Jal, pourquoi on fait des choses mauvaises, on délaisse des obligations d'Ibada? Li'anna, avec ce roi ou dans le tribunal, c'est des choses que tu vois. Et si tu fais une mauvaise chose, tu peux être châtié directement. إما على prison إما une amende إما أما le dernier cas أي مع الله سبحانه وتعالى c'est الإيمان c'est الإيمان الله سبحانه وتعالى تقدم معنا c'est الحليم ربما الإنسان يفعل mauvaise chose et tu reçois aucun châtiment sur le coup بل ربما tu fais des mauvaises choses et الأبواب تفتح عيادا بالله c'est pour ça que ابن القيم رحمه الله ذكر أن celui qui fait beaucoup de péchés qui n'est pas sérieux dans son dîn et أبواب الرزق تفتح il est en bonne santé il a de l'argent malgré qu'il fait des mauvaises choses فهذا c'est من باب الاستدراج هذا il faut que je fasse très très attention سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ويمكرون ويمكر الله ça c'est très très grave et à l'heure l'insan doit se remettre en question فهذا فأكبر واعظ la seule chose pour te permettre à t'améliorer في هذا الباب c'est de te rappeler أن الله سبحانه وتعالى يعلم. Ce juge qui est en face de toi, il ne sait pas ce que tu penses. Robama, tu as vraiment commis une chose et avec un avocat, un menteur et un tas, tu fais apparaître certaines choses. Robama, يعفو عنك. Il ne sait même pas ce que tu as réellement fait. Robama, il va te croire. أما الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب. Se cacher, il n'y a aucune utilité. Mentir, ça ne sert à rien. Bel, c'est contre l'insan. ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. ثم, il a cité des versets. Et on les a lus, min kalam, al-Sheikh Sa'adi. Thumma qala wa law qila li ahli baladin inna amir dhalika al-balad yabitu aliman bi kulli ma yaf'alunahu fi al-layl min al-khasa'is labatu muta'addibin. Sahih. Si un roi, wahad il informe anna, dans notre quartier, si wahad il informe anna, ce que vous allez faire cette nuit, celui qui fume, celui qui boit, yadam billah, celui qui fait zina, celui qui fait pas salah, celui qui ment, enfin, le roi, le responsable, le gouverneur, il va être mis au courant et vous aurez à rendre des comptes. Tribunal et la prison, il a akhir. Est-ce que la nuit, quelqu'un va faire quelque chose? Abadan. فلهذا قال الإمام الشنقيطي رحمه الله ولا شك أن أو بعد ذلك قال يبيتوا لباتوا متأدبين. اللباتوا أي في الليل. Ils vont rester toute la nuit. Et ils vont dormir, même s'ils ne dorment pas, muta'addibin, avec un bon comportement. Ta'ammalu, cet exemple, il est tayyib, liana, la nuit, fil haqiqa, c'est très très court. Celui qui patiente, si on prend après l'Isha jusqu'au Fajr, et il patiente une nuit, enfin, tout le monde peut le faire. Tu patientes qu'une nuit. Si on te dit, c'est que cette nuit. Après, tu fais ce que tu veux. Lâche que tu vas patienter. C'est exactement ça, dunya. Dunya, c'est comme une nuit. On te dit, patiente. Tu as atteint le boulour. Oh, tu t'es converti, oh, tu es rentré fidèle. On te dit, à partir de maintenant, patiente jusqu'à ta mort. Ça passe très vite. Un an, deux ans, dix ans, quinze ans. Maintenant, un parmi nous, Obama, demain il meurt, c'est fini. S'il était à la khair, alhamdulillah. Nous, on patiente. Un autre, ça va être dans un autre, ça va être dans dix ans. Le dernier parmi nous, on a tous à peu près la trentaine. Le dernier, maximum, il nous reste 50, 60 ans. On va dire 70 ans. Il nous reste que ça. Si on va au maximum. Ah, c'est ça notre vie. Si on patiente maintenant jusqu'à là, jusqu'à cette dernière année, ce dernier jour qu'on vivra, alhamdulillah, on sera à la khair. Ce qui va nous aider à patienter, c'est qu'Al-Malik Azza wa Jal, il nous voit. Enfin, on prend ce mithal, nous, on le met dans notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit. Et là, chaque que l'être humain, il a des faiblesses, la akhir, quand on faiblit, on se rappelle. Pour te rappeler, Al-Ilm. Pour te rappeler, ce genre de durus, ce genre de lecture. À ma perte son temps dans des choses inutiles, enfin, hada yadhur. والحافظ ابن رجب إلى ستة نوت كلام ذو الحافظ رحمة الله عليه أنوت مثال كم بلي rapidement قال رحمه الله كما في شرح كلمة الإخلاص الإمام ابن رجب أكره رجل أو أكره رجل امرأة على نفسها un homme il a voulu faire الفاحشة الزنا à une femme avec une femme de force فتمكن منها تعلمون أن المرأة ضعيفة. Cet homme il a pris très vite le dessus et il lui a imposé d'avoir des rapports معها. وأمرها بغلق الأبواب. Il lui a ordonné de fermer les portes. فقال لها هل بقي باب لم يغلق. Et il a dit à cette femme est-ce que t'as fermé toutes les portes. فقالت نعم. Et il reste un باب ouvert. الباب الذي بيننا وبين الله. Il reste une porte qui est ouverte, elle, personne ne peut la fermer, la porte entre nous et Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit et il nous entend. فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا. Il l'a délaissé. Il ne l'a pas touché. قَالَ وَرَأَ بَعْضُهُمْ رَجُلًا يُكَلِّمْ رَأَةً فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ يَرَاكُمَا سَتَرَنَ اللَّهِ وَإِيَّاكُمَا. Et ils ont vu, des hommes, ils ont vu un homme parler avec une femme, et ils lui ont dit, Inna Allah yarakuma. Même si vous cachez, vous avez remarqué, se cache. Pour ce genre de choses ou pour autre. Ba'dhum pour fumer, ba'dhum pour voler. Et ils se cachent. Azam zajir, celui qui a l'iman dans son cœur, ou non iman da'if, et il a l'aql, la raison, il réfléchit, bi'idnillah se yastafid. T'amal le hal de cet homme. Cet homme, il voulait faire un péché grave. Et il était injuste envers cette femme. Lakin, An-Nasiha lui était utile. Quand elle lui a dit reste une porte, il l'a délaissée. Ça l'a touché. C'était un mu'min. Ça nous montre quand le shaitan il te wasfas une chose, elle veut te pousser à faire un péché, ou à délaisser une obligation, rappelle-toi. Rappelle-toi. Rubbama, ton père, s'il te verrait, tu ne ferais pas. Fahaoula, s'il penserait, mon père, je le respecte et j'ose pas faire cela devant lui. Mathalan ba'd al-shabab, ils fument pas devant leur père. C'est impossible. On a déjà vu des jeunes, c'est impossible qu'ils fument devant leur père. Tellement qu'ils respectent leur père. Quand leur père y rentre, ils jettent. Ba'dhum, ils l'éteignent avec leurs mains. Ils peuvent pas. Si ils auraient hada avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça serait un affaire. Comment je fume et Allah il me voit? Et il jette et il ne refume plus. Kadalik, avant de terminer, on reprécise, on l'utilise kadalik avec tarbiyat al-abna. Ton fils, quand il veut faire quelque chose, ne lui dis pas ton père, il va venir. Ton père, son père, demain il meurt et après ça devient un mujrim. Là, dis-lui pas si je te vois, je vais te faire. Léna, qu'est-ce qu'il va comprendre le fils? Il va comprendre. Les enfants, attention, ils réfléchissent très très rapidement. Il va comprendre si il me voit, et mon père, ou si elle me voit, ma mère, je risque kada. Enfin, je vais le faire, et il ne me voit pas. Ça y est, il sort dehors, tu ne le vois plus. Là, éduque-le, Anna, je ne peux rien pour toi. Et c'est toi, c'est ta vie. Tu fais ou tu ne fais pas, Anna, je ne peux pas, grand-chose, Anna, je t'aide. Là, éduque-le, depuis qu'il est petit, Allah, il te voit. Cache-toi, le tribunal, tu vas échapper, la police, tu vas échapper. Les parents, nous, on ne va rien te faire. Avec Allah, tu ne t'échapperas pas. Éduque-le comme ça, et tu verras. Mais nous, on vit à... Notre génération, c'était Hagada. Les parents, ils te faisaient peur avec la police, ils m'ont avec les coups. Quand ces jeunes, ils ont grandi, les parents, ils peuvent plus les frapper. Dans certains pays, la police, elle a aucun poids. C'est devenu des mujrimines. Une génération de mujrimines. Ils ont peur de rien. Ils ont ni peur de la justice, ni des parents. Et, yadam billah, leur khouf min Allah. Ba'dhum, il est qalil. Ba'dhum, c'est des mujrimines, des kafara, ils n'ont plus. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات فهذه الدراسة نافعة étudier les noms d'Allah سبحانه وتعالى et si on vient à s'étaler ça prendrait beaucoup de temps فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق راجع كلام الإمام الشنقيطي والحافظ ابن رجب من فقه الأسماء الحسنى نكتفي بهذا et on passe à notre deuxième درس بإذن الله عز وجل